La mort-vivante de Stephen Wool. Wool, j'ai dit Wool, peut-être dire Wool, Vul, Stephen Wool, Wool. J'ai tendance à prononcer à l'anglaise, c'est peut-être un pseudo d'ailleurs, de cet auteur de science-fiction français. Donc, La mort-vivante, écrit à la fin des années 50. Alors, c'est une histoire assez incroyable. C'est un des meilleurs, sans doute, que j'ai lu de Stephen Wool. Avec New York, sans doute, mais j'étais jeune. Et sans doute que l'histoire m'a plus impressionné parce que j'étais jeune. Ici, donc, une histoire assez incroyable. En gros, ça se passe sur Vénus. L'humanité a quitté la Terre. Sur Vénus, il y a un régime qui est une sorte de théocratie, de prudence vis-à-vis de la science, pour pas dire contrôle absolu de la science, et parce que la Terre a été dévastée, et donc les hommes se méfient de la science. Enfin, les hommes, en tout cas, le système qui est sur Vénus. Et la science devient donc objet de méfiance. Et il y a un biologiste, justement, qui fait des expériences de type clonage et qui est contrôlé par les prêtres de Vénus. Voilà. La Terre est devenue une sorte de planète interdite, une planète ravagée. Et penser à aller sur la Terre, c'est un blasphème qui est puni sur Vénus. Alors dans ce contexte, bon, je passe sur les détails, il reçoit la visite d'un prêtre, il a très peur, il blasphème, enfin bref, quelqu'un vient chez lui, le biologiste, qui est un vieil homme, vient chez lui et lui donne des livres scientifiques qui viennent de la Terre. Donc c'est de la contrebande, formellement interdite. Mais lui, en tant que scientifique, il est très heureux d'avoir enfin accès à des connaissances qui avaient été perdues, finalement. Alors bon, il lui paye très cher chaque livre, et puis il le provoque de plus en plus. Pour finir, il lui propose de venir sur Terre. Le biologiste refuse parce qu'il est pris d'effroi à l'idée de faire cet acte hautement répréhensible et interdit. Donc finalement, il refuse. Il est emmené de force. Il est endormi, emmené de force. Et il se réveille dans un château sur Terre. Un château qui, on va l'apprendre, dans les Pours. Donc en fait, c'est un château qui est au sommet sur un des sommets des Pyrénées. L'océan, en fait, est bien plus haut qu'avant. Donc il est plus haut que de plusieurs centaines de mètres, a priori. Du coup, il y a seules quelques hautes montagnes émergent. Bon, et Paris est à 1000 mètres sous l'eau. Donc c'est dire. C'est dire qu'en fait, en gros, le niveau des eaux a augmenté de plus de 1000 mètres. Donc peut-être 1100, 1200. Bref, effectivement, il n'y a plus que quelques montagnes qui dépassent. Donc il est dans ce château. Alors bon, je passe sur les détails, mais en gros, une femme, qui en fait est la chef d'une organisation de contrebande entre la Terre et le reste des planètes habitées, notamment Vénus. Une femme très belle, jeune, bon, bref, parfaite. Elle a perdu sa fille, qui a été mordue par un serpent venimeux, par un lézard venimeux, qui ressemble à un serpent. Elle a perdu, mais elle a gardé des restes et elle veut que le biologiste fasse du clonage. Il accepte, il finit par accepter, il est heureux, bon. Mais la mère, elle travaille avec lui et finalement, elle fait en sorte d'avoir 10 embryons qui croissent au lieu de 1 ou moins en tout cas et parce qu'elle voulait assurer quoi. Bon, alors sur 10 il y en a 3 qui meurent et on se retrouve avec 7 bébés, mais les bébés accouchent plutôt que non pas accouchent puisque c'est un in vitro, mais au bout de 3 mois ils sont à terme et les bébés grandissent très très vite et ils deviennent maléfiques, ils semblent être télépathes entre eux, enfin le corps peut se déformer par moments, ils peuvent avoir des bras qui poussent, se tenir les bras, enfin bon. Je passe sur les détails, les filles sont maléfiques quoi. Et très très fortes. Le biologiste est chargé par la mère de trouver un moyen de résoudre le problème, il trouve un antidote qui est censé empêcher, enfin, rendre le venin inoffensif du serpent. Parce qu'il il a su que la fille était morte de ça. Donc il pique une des filles avec l'antidote. Les autres, au début, font tout pour éviter ça, mais elles sont pas assez fortes pour résister. Donc l'antidote est administré. La jeune fille, la petite fille, est guérie. Tout à coup, elle redevient normale. Mais les six sœurs veulent la tuer. Alors ça tourne très très mal parce que elles veulent d'abord la tuer directement. Ensuite, elle est protégée, donc elles peuvent pas. Donc finalement, elles arrivent à distance à la faire dépérir. Quand ils comprennent ça, la mère part avec sa fille. Elle se résout pas, ils n'arrivent pas à se résoudre à tuer les six filles, les maléfiques. Donc la mère part avec la fille, elle traverse tout l'univers pour essayer de la sauver, elle rencontre un grand savant qui lui dit c'est pas possible, elle va mourir dans une semaine. Et effectivement, elle meurt une semaine plus tard, elle revient avec le corps. Là, le biologiste, il se dit tiens, on va refaire, enfin, ils se mettent d'accord avec la mère pour refaire un clonage, mais à partir de cette fois en administrant l'antidote dès le début. Voilà. Pas bête, sauf que les filles sabotent l'expérience et font en sorte que rien ne puisse se faire. Ensuite, c'est l'horreur, elle commence à se multiplier les filles, elles sont 10, 15, etc. Donc, il décide de les tuer, et il y a un homme de main très fort qui les tue une par une, mais qui n'y arrive pas parce qu'elles se multiplient trop vite. Donc, elles se multiplient, elles se multiplient, ça devient l'horreur, il les maîtrise plus. Il décide de fuir. Bon, entre-temps, bien sûr, le vieillard est tombé amoureux de la belle chef, là, Martha, elle s'appelle. Donc, il est tombé amoureux d'elle. Bon, bien sûr, de toute façon, elle le sait même pas, Martha. Donc, bref, il essaye de fuir. Il appelle. Tout est détruit dans le château. Ils veulent descendre par un funiculaire. Il arrive à contacter les hommes en bas, mais ils peuvent pas monter parce qu'il y a eu un grand orage. En fait, toutes les petites filles, qui sont plusieurs centaines, fusionnent, une espèce de grande masse. Au départ, une sorte de serpent, mais ça devient une sorte d'immense masse lumineuse. Au cours de la lutte contre les filles, ils trouvent une espèce d'inscription en latin, le latium, enfin bref, en latin, qui dit que, en fait, c'est la légende que telle jeune fille est morte, qui était la fille de Dantel avec Héraclès, enfin bon. Il y a une métaphore, Héraclès c'est la science, là la femme c'est Martha, et la jeune fille, ben, c'est la première fille qui est morte. Bref. En tout cas, que de ça naîtra une nouvelle race qui dominera l'univers, voilà. Une race supérieure, voilà. Bon, enfin bref, ça annonce tout ce qui va se passer, quoi, parce que donc ils essayent de fuir avec Martha. Pour finir, ils n'y arrivent pas, ils sont rattrapés par la grosse masse qui avale Martha. Et là, au départ, la masse essaye de parler au biologiste, et pas à Martha parce qu'elle est inconsciente, elle est terrifiée, elle bouge plus, mais donc ils essayent de lui parler. A priori, là, c'est plus le mental des filles qui était maléfique. Maintenant, c'est quelqu'un qui est adulte et qui dit, ben, voilà, venez à nous, nous sommes l'avenir, je vais t'avaler, tu feras partie de moi, etc. Donc en fait, c'est le blob, quoi. Ils sont prêts à l'avaler. Bon. Il refuse parce qu'il est horrifié, bon. Mais la bête avale Martha. Alors il est horrifié, mais enfin il fuit, et puis la bête le rattrape, le coince, et puis lui dit, voilà, tu vas venir à moi de toi-même. Il dit, mais non, non, non. Et puis là, il sort une espèce de masse informe qui est Martha. Mais Martha qui rayonne. Et la bête lui dit, mais je suis Martha. Je suis aussi Martha. Je ne suis pas que Martha, mais je suis aussi Martha. Donc c'est bien Martha qui te parle, et la bête, la femme sort comme une excroissance. Et elle est nue, enfin bref, lui, il finit par être complètement sous le charme, et puis il l'embrasse, la chair est chère, bref, il l'embrasse et il fusionne, et il est avalé. Voilà, donc ensuite on raconte que. Et puis dans un immense plaisir, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une espèce, ça rappelle un peu le soleil vert, le dernier rêve avant de s'éteindre. Sauf que là, il y a comme la réalité d'une fusion heureuse, c'est-à-dire que. Il existe effectivement une fois avalé, il atteint une sorte de nirvana, quoi. Enfin bon, le paradis. Voilà. Bref, pas dire qu'il est illuminé quand même. Enfin. Ensuite, la bête, elle dévale de la montagne, elle dévale la montagne, elle avale tous les hommes de la terre. Elle mange toutes les bêtes de l'océan, enfin bon, il y a une espèce de... Bon. Et elle s'empare d'une fusée, elle avale les techniciens et les pilotes, elle va sur Vénus et elle est en train d'attraper, de manger tout l'univers parce qu'il est dit qu'elle deviendra elle-même fusée ensuite. Elle n'aura même plus besoin de prendre une fusée, elle sera fusée pour aller de planète en planète. Et là, l'histoire s'arrête et puis on a dit oui, c'est moi qui ai écrit ça. Et en fait, moi, c'est Shadan, enfin, c'est celui qui avait rencontré Martha et sa fille pour tenter de la sauver et qui avait dit elle sera morte dans une semaine. C'est l'héritier des anciens grands sages, machin, bref. Donc il dit voilà, elle va manger tout l'univers. Je l'ai su dès que j'ai vu Martha et sa fille, j'ai lu l'avenir. Donc je sais exactement ce qui va se passer. Et là d'ailleurs, dehors, j'entends une rumeur et je sais que c'est fini. Voilà, la bête est là. Hop, et donc c'est la fin du livre. Alors au-delà de cette histoire qui est quand même amusante, à la fois il y a deux aspects qui m'ont intéressé. D'une part, il y a la prémonition incroyable parce que dans la fin des années 50, bon, il est obsédé par la radioactivité. Là, il y a de la radioactivité sur Terre, tout ça. Bon, Stephen Hull est assez obsédé par ça. Dans New York, il y a ça. Dans un autre livre dont j'ai oublié le nom. Enfin bref. Donc c'est un classique. Mais quand même, pensez que enfin, je trouve qu'il est, comment dirais-je, il prend pas position d'une part. Bien sûr, il trouve que les prêtres qui interdisent tout, ils ont tort. Mais il reconnaît aussi que finalement, c'est bien l'homme qui a causé sa perte par la science. Mais donc, il reconnaît que la science est dangereuse. Mais d'une certaine manière, il accepte en tant que étape inévitable, d'une certaine manière. C'est un peu comme dans un autre livre, d'ailleurs, il y avait la disparition du dernier homme. C'est un peu ça, c'est toujours inévitable. C'est-à-dire que de toute façon, on ne pourra pas arrêter la science. Elle est sans doute dangereuse, mais ceux qui veulent la bloquer sont dans l'erreur. Donc voilà, je trouve que c'est très intéressant parce que... Bon, il y a d'abord une vision très très intelligente, et en plus, il y a une vision passionnante concernant le clonage. Le clonage, c'est marrant parce que 40 ans après, 45 ans après le livre, 40 ans, ouais, on arrive au problème du clonage, et effectivement, là, en 2006, on en est à la différence entre le clonage accepté pour les animaux et pas pour les humains. Et finalement, c'était exactement le niveau auquel était arrivé Stephen Hull avec son biologiste. Les prêtres lui permettaient un petit clonage sur des poissons, mais pas sur des batraciens, etc. Donc, là, il a été vraiment visionnaire parce que bon, je suis pas spécialiste, mais dans les années 50, anticiper ça, c'est quand même assez impressionnant. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant. Et l'autre point, c'est que d'habitude, ben voilà, les romans de science-fiction, c'est de la science-fiction, c'est pas très stressant. Bon, c'est juste la science-fiction. Et là, au moment où, alors peut-être parce que je l'ai lu un peu plus rapidement, moins de coupures, mais au moment où les jeunes filles se révèlent maléfiques, il y a vraiment un stress qui envahit le tout. C'est assez passionnant parce que là, ça marque l'esprit, quoi. Les petites filles sataniques, sans doute à cause de son style, c'est très rapide en fait. Ça va à une vitesse, Stephen Hull. Bon, c'est un livre qui fait 200 pages, mais c'est écrit assez gros. C'est une fluidité, bon, ça va très très vite, quoi. Hein. Donc, comme ça va droit au but. On a un peu l'effet que qu'on peut avoir peut-être avec certains films, je sais pas. Mais en tout cas, cet effet-là d'impression, bah, je le ressens quasiment jamais avec un film. Bon, avec un livre non plus d'ailleurs. Mais voilà, je trouve que ça a bien marché. Il y a quand même une atmosphère très oppressante au moment où ils veulent échapper à ça. Parce que les petites filles sont très intelligentes, maléfiques, et bon, c'est assez impressionnant. Voilà. Donc là, je dirais que c'est un livre d'angoisse, d'horreur, enfin, qui fait peur, quoi. Après, bon, d'horreur, le terme est peut-être un peu... Bon, c'est de la science-fiction, c'est pas de l'horreur, mais il faut reconnaître que ça fait plus peur que beaucoup de choses de... Je sais pas, moi, Lestat le vampire... Bon, il y a une petite ambiance sympathique, mais ça m'a, à la limite, pas fait aussi peur, alors que c'est censé être une littérature d'épouvante, hein. Bon, voilà. Voilà, donc ça c'est l'autre point intéressant. Donc un des bons de Stephen Wool, j'en ai encore un, et puis à lire de lui d'ailleurs, que j'ai déjà, mais il faudra aussi que je trouve Nao aussi pour qui a priori sa grande œuvre. Ah bah alors si c'est encore meilleur que tout. Voilà. Donc un bon livre, une belle histoire qui se lit très vite. Voilà.